France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 184. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 20 décembre 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es scotché par l'extrait authentique de cette conversation téléphonique récupérée par une équipe de télévision et qui te prouve combien Rachida Dati est passionnée par son mandat de députée européenne. Là, tu sais où je suis? Je suis à ma place, et je sais pas si t'entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat, là. Je suis obligée de rester, là, de faire la maline, parce qu'il y a juste un peu de presse, et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, quand t'es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que t'étais pas là. Eh ben voilà, tu l'as compris, l'ami, ce matin, tu es halluciné par les absurdités du monde qui t'entoure. C'est pourquoi le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré à ses actualités, manipulé par le prince du monde. Alors chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici la liturgie de notre offrande sonore contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons par notre espiègle office freudien, durant lequel nous poursuivrons ce matin nos portraits des seconds couteaux. Et nous découvrirons aujourd'hui l'univers de Bernard Accoyer, le boss de l'Assemblée nationale. Dans la foulée, nous nous intéresserons à un autre personnage obscur, Hervé Falciani, le messie du secret bancaire en Suisse. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont enfin passé leur commande au Père Noël, une collection de jouets que nous ausculterons ici avec stupéfaction. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où se trimballe depuis le week-end dernier un étrange Père Noël. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter, et ce matin, nous t'offrirons la définition d'une expression de casquette à l'envers, truc de ouf. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte sévèrement le son pour cette spéciale casse dédiée à Nadine Morano. Yo, rude boy. Jaguar Gargan, cool chain, lock the city. Come back again, no man. Everyone from the truck. Every time I'm coming with her car. She real. He come along with the Benzizer. Chuck. Yeah, it's my zoom, friend. Don't a Benz. Girl, cut it right. Don't come pass about gang. It's my zoom, friend. Don't a Benz. Girl, cut it right. Don't come pass about gang. Mes gars, c'est sexy, viens voir qu'au city. Original Wagaman dans la ville de Paris. Gars, c'est joli, dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est Wine Moja, carré sur le groove. J'aime les gars, surtout quand les gars move. Hey ya, move up, love comme une loupe. Bouge au corps de la tête aux pieds. Et lâche ta posée, move up. Girl, wine ton body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais, comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom friend dans ta Benz. Girl, quand tu wine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom friend dans ta Benz. Girl, quand tu wine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom friend dans ta Benz. Girl, quand tu wine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom friend dans ta Benz. Benzman, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant gang, gang, gang. Kilo! Audio, explique-leur. Ça se passe à l'arrière du Merco, Benz, Benz, Benz. Ouais, du côté de Sané, bébé. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. Aïe. T'es ma mère, je suis la flèche que ton entrejambe attire à mort de Lufia. On vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle. Je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Pompe, bébé, monte sur mon scène, scène et fond. Je la ferai façon, je te queue. Putain, y'a que ça qui me rend jonc. À ton contact, je deviens liquide, liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de feu, ouais. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens insaisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vide. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Ce soir, faut qu'on se fâche. Bébé, faut qu'on se clash, clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc mouffe ton bali, fais bander les bandits, puis ton bande a brandi. Le temps sortira grandi, tu sais ce qu'on dit. Faut que ça glisse, et puis que ça transpire, que ça me fout en transpire. Faut plus que je respire, tu te donnes-moi. Donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as, comme talent, mais où ce que t'as. Après tout ça, après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y, monte sur mon scène, c'est du fond. Yeah, man, 93 style. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz, gueule. Quand tu whines, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Hey girl, si tu vois une merco noire arriver avec les vides teintées. Boom in system, c'est ma Benz, Benz, Benz. Et on va zoom, zoom, zing avec Jaguar, Gorgon et Cool Shake. ESP, baby. 93 style. Quantity style. All about wine of respect, wine. Yeah, yeah. Ce que tu sais, West Indies, we are the best. Ma Benz, ce fut en 1998 la sublime bagnole du suprême NTM, un moyen de transport bien plus sympathique que d'autres à la mode en ce moment. Chut, mesdames et messieurs, ici votre commandant, ladies and gentlemen, this is Captain. Nous arrivons à Paris, and for the white, it's better than the black. For the black, you must go to Forrest Gump, like him. Go, go, go, go, to escape to police, this is France. Bien, dans cette France, où certains n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir se vautrer confortablement, il est l'heure maintenant à 11h12 d'amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques qui s'ouvrent bien sûr par notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaugelet a délaissé les actualités politiques de la semaine afin d'enrichir notre petite galerie de portraits consacrée au second couteau de la sphère politique. Ainsi, après Herman Van Rompuy et Frédéric Lefebvre, nous allons découvrir aujourd'hui l'univers du président de l'Assemblée nationale. Autrement dit, quels sont les héros et les anti-héros de Bernard Accoyer ? Allez, en route maestro, voici l'infratexte d'une interview croustillante du 29 juillet 2002. Tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Allons-y, je ne peux pas reculer. Alors, quels sont vos héros, Bernard Accoyer ? J'ai réfléchi. Oh, bah, ça reste un bon signe si on n'est pas trop regardant. Ceux qui me paraissaient coller le plus à l'idée que je me fais de qui peut être un héros. Bien, montrez-nous ce que vous avez trouvé. Je vais vous citer les deux noms qui me sont tout de suite venus, le général de Gaulle et Jean-Paul II. C'est pas un peu gros ? C'est ça, un vrai héros. C'est quelqu'un qui a pris toute sa place parmi les hommes. Il est flasque, ton mec ! On dirait un loukoum ! Jean-Paul II en tombeur du communisme, pour vous. J'avais pensé que c'était le genre de détail que vous nous auriez conseillé d'inventer. Ça va plus loin que le communisme. C'est un homme de paix, Jean-Paul II. Votre audace m'étonne. Lorsque vous étiez quand même dans l'opposition, Bernard Accoyer, vous étiez taxé d'agressif par la majorité d'alors. Croyez-moi, c'est le genre vice-là. Je suis un passionné. Alors, étant un passionné, on a quelquefois le verbe un petit peu lourd. C'est bien mon avis aussi. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est fait pendant les 5 ans qui se sont écoulés et qu'on en mesure aujourd'hui les conséquences... J'adore voir de vrais pros au boulot. ...en termes de déstructuration de notre protection sociale, d'inquiétude sur son avenir... Il ne manque pas de culot. Allons, calme-toi. ...d'immobilisme pour garantir le financement de la protection sociale et des retraites... C'est à des moments comme ça qu'il faut surtout rien oublier. Ce que je disais était certes sur la forme un peu vert, j'en conviens. J'en sais rien, mais c'est marrant. Et les conséquences que j'avais annoncées, elles sont là aujourd'hui sous nos yeux, il va falloir y trouver des remèdes. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis qu'en musical, il ferait un tabac. Il me reste une question à vous poser, Bernard Accoyer. Votre anti-héros, celui qui vous vient immédiatement à l'esprit, le plus évident. Pour moi, un anti-héros, c'est quelqu'un qui se trompe. Mais où avez-vous appris tout ça ? Et celui qui aujourd'hui occupe souvent la une, et qui est un anti-héros parce qu'il accumule une suite d'erreurs... Zoltan ! En tout cas, c'est ma conviction personnelle, c'est Beauvais. Allons bon. Oh, c'est une grande nouvelle. Et la mondialisation, c'est le fait de diffuser les lieux de production, donc les lieux de création de richesses, donc le progrès social. Ce serait pas une blague, Bazar ? Il faut voir la mondialisation comme cela, et il ne faut pas voir la mondialisation, dont il s'est fait le héros au sens de l'anti-mondialisation, comme un recul. C'est exactement l'inverse. Et donc c'est cette erreur fondamentale que je dénonce. Qu'est-ce que nous construisons ? Un pays sans la moindre frontière nationale, une nouvelle démocratie pour le consommateur. Le deuxième combat de Beauvais, c'est sur la technologie de l'agronomie. Si on veut nourrir décemment tous ceux qui, hélas, sur la planète, sont encore en difficulté, il faut utiliser les progrès. Et donc, les organismes génétiquement modifiés... C'est de la merde. ...certes peuvent être porteurs de danger, mais ils sont aussi porteurs d'espoir. Ne vous inquiétez absolument pas si le cours monte. Continuez à acheter. En réalité, il a utilisé ce créneau en le déclinant sur le mode de la peur. Je crois qu'il vaudrait mieux nous faire part de votre expérience personnelle avec vos propres mots. Pour moi, c'est ça, un anti-héros dans la vie réelle. C'est quelqu'un qui déforme les problèmes, déforme les réalités, fait les mauvais choix tactiques pour les présenter et essayer de convaincre. Mais c'est pas bon. Ça, alors, c'est de la voyance. Bien. Après s'être cogné Bernard Accoyer, dis-moi, as-tu suivi ces derniers jours les incroyables rebondissements romanesques de cette étrange affaire franco-suisse ? Ainsi, nous venons d'apprendre que la liste des ennemis de la nation qui planquent leur oseille en Suisse pour se soustraire à l'impôt a été livrée à Eric Woerth, ministre du budget, grâce à des données chouravées par un informaticien franco-italien, M. Hervé Falciani, employé de la banque HSBC à Genève. Souviens-toi, en septembre dernier, Eric Woerth nous avait annoncé qu'il détenait une liste de fraudeurs du fisc, mais personne ne savait vraiment d'où elle sortait. Quand, soudain, dimanche dernier, au journal télévisé de 20h sur France 2, ce jeune type sort de l'ombre, Hervé Falciani, qui nous a expliqué pourquoi il a décidé de devenir un justicier de la finance. Si vous découvrez que des strates, je dirais de structures trust, offshore... Tu sais que t'es sapé comme un banquier. ...permettent justement de contourner les mises en place de prélèvements de taxes TVA. Vous comprenez que ça sert à ça. C'est pas énorme, si c'est vrai, c'est énorme. Que la seule légitimité à ces structures, c'est ça. Bah, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Ou vous faites l'autruche, ou vous essayez de comprendre. Il est d'une honnêteté monstrueuse, un vrai pervers. Enfin, je veux dire, il a jamais eu une contredanse, quoi. À chaque fois, je n'ai fait qu'accéder à des informations, à un système sur lequel on avait libre accès. J'aide à la compréhension des faits. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup. Et après, c'est du recours à la justice. Hervé ! Oui ? Quoi de neuf ? Ah bah quoi de neuf ? La moitié de 18. Sacré Hervé, va. Oui, Hervé Falciani est très fort en mathématiques. Mais alors, qui est réellement ce type ? Né à Monaco en 1972, ce trentenaire a une bonne gueule de banquier. Voilà bientôt 10 ans qu'il grenouille dans le monde de la finance et c'est en 2005 qu'il s'installe à Genève comme cadre informaticien au siège de la banque HSBC. Au départ, il est un employé modèle et il mouille sa chemise pour répondre aux attentes de cette clientèle si particulière des banques suisses. Je voulais ouvrir un compte pour ma fille. Ah bon, c'est une excellente idée. Mais quel âge a votre fille ? 8 ans. C'est pas un peu jeune pour ouvrir un compte ? Oui, mais elle arrête pas de me voler de l'argent dans mon sac. Moi, je pense qu'il est temps de la responsabiliser. Vous avez raison, Madame Berthier. On ne responsabilise jamais assez tôt les enfants sur la valeur de l'argent. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Absolument. Je vous propose, ne dites pas non tout de suite, une ouverture d'un compte illimité avec un premier versement de, disons, 1 million d'euros. 1 million. Oh, c'est parfait. Oui, visiblement, dans un premier temps, Monsieur Falciani était aussi naïf qu'un lapin de 3 jours, puisqu'il n'avait pas saisi le pauvre qu'au-delà des Alpes, toutes les combines sont bonnes pour blanchir de la thune. Et c'est bien là le premier paradoxe de cette étrange affaire. Car comment se fait-il qu'Hervé Falciani ait attendu plusieurs années avant de se transformer en justicier ? Eh bien, certaines mauvaises langues racontent qu'en réalité, notre informaticien n'était pas très satisfait de sa propre situation financière. Du coup, il aurait commencé à récolter des informations cryptées et confidentielles dans l'espoir, peut-être, de faire pression sur ses patrons. Oui, enfin là, on imagine très bien la réponse du boss de la banque suisse. Vous êtes en train de faire du chantage. C'est déjà un très grave délit. Mais vous n'avez encore rien vu. Il peut arriver que l'habit ne fasse pas le moine. Je suis seulement un bon samaritain qui... Secondo, la divulgation non autorisée de documents classés confidentiels défense représente un délit à l'échelle fédérale. Si jamais vous vous avisiez de donner suite à vos projets débiles, vous vous exposeriez à un tel cyclone d'emmerde, mon petit gars, que ça ferait tourner votre infâme petite tête de primate demeurée plus vite que les roues de votre foutu vélo chouine pourri qui vous a amené ici. Vous croyez que c'est un chouine ? Maintenant, donnez-moi ces fichiers sur papier, disquette, CD ou peu importe de quelle merde il s'agit. Aussitôt, vous nous aurez filé notre pognon, salopard ! Loin d'être idiot, Hervé Falciani et sa complice, car il y a complice, une femme qui a aujourd'hui totalement disparu, n'ont pas prévenu leur patron, bien entendu. En revanche, nous avons appris cette semaine qu'ils ont réellement essayé, dans l'espoir de faire fortune, de revendre leurs informations en loose dé au gouvernement libanais. Mais c'est sans doute durant ce voyage que M. Falciani a trouvé son chemin de Damas devant un diseur de bonne aventure dans le souk de Beyrouth. Dis donc la bonne aventure à lui. Ta main est très intéressante. Et j'y vois des choses très instructives. Les chemins de ta vie sont sombres et tortueux. Tu es cruel, avide, dur avec les petits, servile avec les grands. Il est parti à l'espèce des reptiliens. Dans une vie précédente, il a été serpent. C'est tout, je te dis. Voilà, là que tu as grand besoin de purifier ton âme. Je sais ce que j'ai à faire. Certes, sauf que le Liban a immédiatement refusé de collaborer avec Falciani. Pire, ils ont même prévenu les autorités suisses qu'un drôle de type était en train de mettre le feu au lac. Résultat, notre jeune informaticien s'est fait choper et en décembre 2008, il fut convoqué par la pieuvre du système bancaire suisse afin qu'il s'explique des accusations proférées contre lui par les autorités. J'ai un programme pirate. Qu'est-il manigancé ? Il est entré dans le système grâce à un mot de passe volé. On l'a cueilli en pleine descente dans une mémoire à haute protection. Non ! Je m'y suis trouvé complètement par erreur. Je... Qui t'avait programmé ? J'étais... Tu as des ennuis, programme. N'aggrave pas ton cas. Qui est ton concepteur ? Vous avez tort, maître contrôle principal, grand Manitou. Je refuse de parler. Comme tu voudras. Évidemment effrayé par sa situation catastrophique, la nuit suivante, comme un voleur, Hervé Falciani a précipitamment quitté la Suisse pour le sud de la France, à proximité de Nice. Et là, il est allé rendre visite au procureur Éric de Montgolfier, avec qui il a passé un deal. Alors, on boit au passé ou à l'avenir ? Au présent. Il va falloir que tu sois très compréhensif, je dirais même coopératif. Et je demande que ça. Goûte d'abord, tu veux ? Elle consisterait à quoi, ma coopération ? Jusqu'ici, j'ai toujours travaillé dans le privé. Et vous savez, j'aurais rien contre une administration, une grande administration. Vous connaissez mes références. Oui, elles sont aux archives. Et je dirais même qu'elles encombrent. Oui, tu m'étonnes. Il se pourrait bien qu'elles soient sacrément encombrantes, cette liste de comptes bancaires en Suisse. Car quels peuvent être les noms de ces gros fraudeurs français ? Oui, oui, oui. Forcément des gens qui ont beaucoup d'argent. Des amis, peut-être. Toujours est-il que, contrairement aux autorités libanaises, Le gouvernement français, lui, a sauté sur l'occasion et à la fin de l'été dernier, pour Eric Woerth et Christine Lagarde, Hervé Falciani était devenu le messie du secret bancaire. Je ne suis pas le messie! Je proclame que si, seigneur, et je fais autorité, j'en ai suivi plus d'un. Gloire au messie! Je ne suis pas le messie, voulez-vous bien écouter? Je suis pas le messie, est-ce que vous comprenez? Honnêtement! Seul l'authentique messie peut nier sa divinité! Quoi? Mais qu'est-ce que je réponds à une assertion pareille? D'accord, c'est moi le messie! Si, messie! Allez vous faire foutre! Où irons-nous nous faire foutre, seigneur? Oh non, ça suffit, laissez-moi tranquille! Oui, enfin bon, du calme, hein, sur le caractère messianique d'Hervé Falciani. Car toute cette affaire est tout de même entourée d'obscurité. Primo, pourquoi Eric Woerth a-t-il accepté d'exploiter cette liste offerte par un type assez louche et qui surtout a volé ses données? C'est une vraie question. Ensuite, pourquoi la Suisse vient-elle de lancer un ultimatum à la France afin de récupérer avant Noël ses données confidentielles? Ça aussi, c'est étrange. Et enfin, pour conclure, il faut impérativement désormais protéger physiquement Hervé Falciani. Parce que franchement, quand on connaît certains clients des banques suisses, un malencontreux accident est si vite arrivé. T'as appris pour Hervé? C'est moche. Hein. Quand j'ai appris ça, je me suis dit... Pauvre Hervé. On n'est pas grand-chose finalement, hein, ça faut bien se le dire. Quand tu penses que ce type était en pleine forme, 5 minutes avant de glisser dans un serpillère et se fracasser la tête contre les murs. Ça faut les chiens nettoyer son carrelage, merde. C'est ce que ça a été mon premier réflexe. J'ai brûlé toutes mes serpillères. Tu sais, on n'a pas de recul à ce moment-là. Hein. Pauvre Hervé. 35 ans, sportif et paf. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres et puis... Le jour où ça arrive aux autres, on se dit... Pourvu que ça arrive qu'aux autres. I'm traveling my treasure house. I like to be under your stone. I try to make you love me in the mistake. The sugar and tell me to bring you my home. I try to make you love and take them stay. The decision that will never love and stay. And stay. And stay. And stay. I'm traveling my treasure home. I like to be. Mistake, c'est la très belle erreur que commet Framix sur son dernier album. Et Framix, avec un nom pareil, il est tout destiné à participer au débat sur l'identité nationale, Une authentique mistake. Nous arrivons à notre village. Là, tu seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Nous allons te présenter à notre chef, Abra Raccourcix. Sois le bienvenu, frère. Chez nous, tu es chez toi. Alors maintenant, après avoir fait connaissance avec Hervé Falciani, un saint homme des temps modernes, entre banquier et barbouze, il est temps à présent, à 11h29, d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Car dans un futur pas très lointain, c'est Noël, ce qui signifie que le présent, pour beaucoup, est occupé par la quête du cadeau idéal ou de la babiole pas chère, c'est selon. Et cette semaine, dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, les voix des fantômes de la radiodiffusion française étaient absorbées dans la contemplation des catalogues de jouets. Très intrigués par la mise à l'index de certains joujoux, écoutons ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions absorbés dans la contemplation des catalogues de jouets. Si bien que jeudi soir, à l'heure de remplir notre bon de commande au Père Noël, nous avions perdu la raison. Mademoiselle Camping, en plastique, habillée d'un pyjama d'été, est vendue avec tout le matériel de camping. Mademoiselle Coucou s'endort quand on la berce. Ces différentes poupées mangeront dans une... dinette très luxueuse, style scandinave, en plastique, cristal et teck. Des mets achetés... au supermarché, oui, plus amusant que l'épicerie classique. Et mitonnés dans... le bloc cuisine, quatre feux, évier chauffe-eau et 40 accessoires. Après nous avoir patiemment écoutés, Françoise Dolto nous a gentiment rappelé... il était aussi question d'argent. Un jeu trop cher ne peut pas être donné, pour beaucoup de raisons. Pour qu'un enfant puisse être libre avec ses jouets, il faut qu'il puisse les détériorer. Or, un jouet cher, tout le monde sait que les parents le mettent dans une armoire et surveillent, comme la prunelle de leurs yeux, ce que l'enfant en fait. En somme, un jouet doit être cédé à l'enfant en toute propriété, droit de démonter, droit de démolir, droit de jeter, droit de donner. Absolument. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas le retirer quand il est démoli, parce qu'un jouet démoli fait quelquefois plus de plaisir à un enfant qu'un jouet tout neuf, surtout dans les villes. À la campagne, on a beaucoup d'objets de jouer. Les cailloux, les herbes, les fleurs, les vieux coins dans la maison. Dans les villes, les enfants ont très peu de jouets qui servent leur imagination et il faut leur laisser beaucoup de débris du passé avec eux. Alors, pour nous consoler, oncle Anatole nous a raconté l'histoire du premier jouet. Au commencement, il devait exister un caillou avec une forme bizarre et un enfant assis devant le caillou. Et puis soudain, dans cette caverne, l'enfant prit la décision que ce caillou était un bison. Et il dut entamer avec l'objet une lutte à mort qui dut laisser ses parents de l'époque un peu pantois. L'identification entre le caillou et le bison n'était pas directement à la portée des adultes. Le monde du jouet était créé et il était une création de l'enfance. Et Roland Barthes, dans sa grande sagesse, nous a expliqué que parfois, certains jouets servaient d'autres intérêts que les nôtres. Que les jouets français préfigurent littéralement l'univers des fonctions adultes ne peut évidemment que préparer l'enfant à les accepter toutes. Devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. On lui prépare des gestes sans aventure, sans étonnement et sans joie. On fait de lui un petit propriétaire pantouflard qui n'a même pas à inventer les ressorts de la causalité adulte. On les lui fournit tout prêt. Il n'a qu'à se servir. On ne lui donne jamais rien à parcourir. La nuit d'après, on a rêvé d'un jouet qui réglerait tous nos problèmes. Mais bizarrement, ça ressemblait plutôt à un cauchemar. Tu as entre 3 et 10 ans pour Noël. Il te faut le Taser Toy 500. Taser Toy 500, c'est la réplique exacte de l'arme qu'utilise la police de ton quartier. Maniable, pratique, comme les vrais policiers. Tu pourras utiliser le Taser Toy 500 à la moindre de tes contrariétés. Papa refuse de te prêter de l'argent? Hop, un bon coup de Taser Toy et tu pourras te servir tranquillement dans son porte-monnaie. Maman veut absolument que tu mettes un pull? Hop, une petite décharge et plus besoin de te couvrir inutilement. Grâce à ton Taser Toy 500, comme les vrais policiers, tu seras le roi du monde à la maison. Taser Toy 500, que la force d'être orphelin soit avec toi. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir à nouveau électrisés. Mais cette fois-ci, à coup de Taser Toy 500. Cela dit, il est temps pour nous de partir en courant. Car il est l'heure de nos actualités locales et foutraques, voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Ainsi, toujours en direct du Mangin Palace à 11h35, voici un conte de Noël, celui de Grosboul-les-Bains, où nous attendent nos deux joyeux lutins, Monique et Jean-Claude, qui, c'est vrai, lâchent un peu les rênes pour les dépenses de Noël et qui, par conséquent, se retrouvent immédiatement embarqués dans une nouvelle bataille de la guerre de récession. Alors, sache que Jean-Claude a eu cette semaine une énième idée pour se faire de la maille. Il avait le choix entre refourguer des marrons chauds avant Noël ou bien faire son show déguisé en Père Noël. Eh bien, c'est la seconde option qu'il a sélectionnée. Oui, Jean-Claude s'est attifé du peignoir rouge de Monique, il s'est grimé avec un gros paquet de coton hydrophile et il est devenu le Père Noël, installé dans le hall du supermarché de Grosboul, blindé de clients, bien sûr. Et c'est certain, Jean-Claude fait de son mieux quand il s'adresse aux enfants ébahis devant lui. Elle est drôlement gentille, ta maman. Comment c'est son petit nom ? Sylviane. Elle a enlevé ses lunettes parce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait pas qu'on sache qu'elle porte des lunettes, alors elle les a enlevées, voilà. Vous pouvez les remettre maintenant, hein. Et papa, comment c'est son petit nom ? Jean-Paul. Il a une bonne bouille, Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin ? Du vin. Ah, j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Combien il boit par jour ? Un, deux, trois litres. Ah, ça va ! Maman boit du vin un peu ? Oui, un petit peu. Combien de litres ? Ah bah c'est pareil que lui. Oui, les enfants sont formidables, se dit notre Jean-Claude déguisé en Père Noël, qui se lasse néanmoins très vite de demander à des petits morveux s'ils ont été sages ou non, puisque d'après lui, toutes les dérives sociétales s'expliquent par un renoncement des parents. Alors, Jean-Claude a beau faire des efforts, il a beaucoup de mal à s'empêcher d'interroger les parents. Vous êtes bien sûr qu'il n'a pas tué son père ? Oh, mais qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? Mais le complexe d'Édipe. Complexe d'Édipe ? Qui, inclinant le fils vers la mère, l'incite à tuer son père. C'est épouvantable. Oui, c'est assez pénible. C'est effroyable. Passons. À quoi pensez-vous à présent ? Mais au complexe d'Oreste, madame. Qui entraîne le frère vers la sœur. Quoi ? Oh, quelle horreur ! Madame, jugulez une fois pour toutes vos répugnances. Allongez-vous. Pour vous relaxer. Vous permettez, madame ? Pardon. Allez-y. Allongez-vous pour vous relaxer ? Non mais ça va pas ! La daronne se barre avec son mioche et Jean-Claude en Père Noël se voit contraint d'accueillir sur ses genoux un nouveau gamin pour une nouvelle séance. T'as été sage ? Ouais, bon ben, prends un bon bec et casse-toi. Sauf que le môme, il reste planté là. S'il vous plaît, monsieur, j'en voudrais encore. Quoi ? S'il vous plaît, monsieur, j'en voudrais encore. Dois-je entendre qu'il a réclamé encore ? Oui, c'est ça. Cet enfant sera pendu. Le môme est évidemment terrorisé par ce qu'il vient d'entendre et il se barre en courant avec à ses trousses notre Jean-Claude, toujours déguisé en petit Papa Noël. Gamin ! Gamin ! Allez, viens ! C'est pourri, gamin ! Eh, viens, Alain. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Non, non, non, non. Comme tu peux remarquer, je ne suis pas vraiment habitué de ce côté-là. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième enfant en 5 ans. Pourquoi ? L'enfant ne rapporte rien, Rémi. Tu vois, il n'est pas... Théoriquement, il n'est pas solvable. Ah tu bon ? Comprends ? Mais il peut rapporter de l'argent, quand même. Ouais, mais tu sais, je crois que c'est plus une source d'embarras qu'autre chose. C'est plus une source d'embarras qu'autre chose, explique donc Jean-Claude à son fils Rémi, totalement ridicule lui aussi, puisque fagoté en petit lutin du pôle Nord avec, en guise de tunique, un vieux t-shirt vert et le gilet fluo de la sécurité routière piqué dans la bagnole. Ainsi, Jean-Claude en Père Noël et son fiston en lutin se remettent en position pour accueillir le nouveau candidat à qui il demande ce qu'il veut pour Noël. Tout ce que je veux, Père Noël, c'est 2 grosses salopes et 1 sachet de bœuf et 2 sachets de chips pour donner aux grosses salopes. Jean-Claude est sidéré devant autant d'irrespect pour les traditions. Il se dit que, quand même, Éric Besson pourrait mettre en place un débat pour la défense des valeurs chrétiennes de la sacro-sainte fête de Noël. Et, perdu dans ses divagations, Jean-Claude ne voit pas s'approcher cette petite fille venue lui expliquer que les choses ont bien changé. Le Père Noël est un hippie, avec son long manteau maxi. Il est aussi beau que Johnny. Le Père Noël est un hippie. Ah, c'est donc ainsi, s'écrie Jean-Claude, qui décide aussitôt d'aller confier toutes ses interrogations à Monique afin de savoir, en fin de compte, s'il est crédible dans cet habit de Père Noël. Et, comme toujours, Monique est très honnête. T'as l'air plutôt ordinaire pour un Père Noël. Ah, y a vraiment pas de quoi en faire tout un plat, c'est un boulot alimentaire. Je suis un Père Noël qui mange, qui boit, qui chie et qui baise. Prouve-le. Baise-moi, Père Noël, baise-moi, Père Noël, baise-moi, Père Noël, baise-moi, Père Noël, baise-moi, Père Noël, baise-moi, Père Noël. Tu permets que j'enlève mon chapeau? Non, je l'adore, ton chapeau, je l'adore, ton chapeau. Ça marche. Oh et voilà, Monique et Jean-Claude ont compris comment pimenter leur calendrier de l'Avent, sans oublier cependant de s'abandonner avec les mômes à la magie de Noël. Douce nuit, sainte nuit, plus à chant, plus à bruit. J'ai mis plein de bougies sur le sapin. C'est super, bravo papa, c'est très bien. Attention, tes bougies fichent le feu au sapin. Pas de panique, allons, ça ne sera rien. Mais quand même, il y a mes chaussons qui partent en fumée. Allô, allô, bien, qu'est-ce qu'on mange? Oh non, pas encore du renne. Et en plus, il est cramé. T'es pas content, bouffe ta hôte, hein? Bien, alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h42, après ce Noël qui s'annonce pénible et compliqué pour Monique et Jean-Claude, enfin, c'est Noël, quoi, il est temps désormais, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, pour Monsieur Julien Dugast, dans son dictionnaire imaginaire, l'expression qui compte triple, c'est « truc de ouf ». Car vois-tu, lundi dernier, lors d'un débat sur l'identité nationale dans les Vosges, Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, s'est encore pris les pieds dans le tapis, puisqu'elle pense que mettre une casquette à l'envers et parler le verlan, c'est pas bien. Et encore moins quand c'est un jeune musulman. Et allez, la farandole des amalgames continue. Maladresse ou pas maladroite? Néanmoins, grâce à notre facétieux reporter, qui est allé tendre son micro à Monsieur Pierre Merle, écrivain spécialiste du langage, découvrons ensemble, juste après la virgule, combien le verlan appartient à toute la jeunesse de France, et depuis bien longtemps, bon sang. Un truc de ouf. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacte. Deux voyelles, une consonne. Ouf. C'est quand même assez transparent, hein. J'ose à peine le dire, je pense que c'est fou. Bon, oui, voilà, ça résume un petit peu tout ce que je pense du Verlan, c'est-à-dire que quelquefois, c'est intéressant, inventif, surprenant, confondant peut-être. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu désolant, quoi, parce que il y a pas beaucoup d'inventions. Ah, quoi, ouais, mais bien sûr qu'on a l'oublié, nous. Qu'est-ce que tu crois, toi, t'es ouf? On part dans deux jours. Ah, c'est un mytho, il l'a mis dans la merde. Mythoman. Ils vont bronzer dans le hall. Ça serait quoi votre mot préféré en verlan? En verlan, il y en a un que j'aimais beaucoup, mais que j'ai entendu assez peu, je dois dire, et je le regrette. C'est gâche des dalles pour dégage de l'art. Je trouve ça assez beau, parce que là, en revanche, c'est marrant. Allez, gâche des dalles. D'abord, ça cascade très bien sous la langue. Le fait de le dire est un plaisir. Allez, gâche des dalles. Je sais pas si vous avez cette impression, mais ça sort tout seul. C'est très marrant. Les yeuves ont du mal à capter le langage un peu chelou et zarbi des tessis. C'est le thème de notre page spéciale, ce langage un peu particulier que vous connaissez peut-être pas très bien. Alors je vais répéter. Les yeuves ont du mal à capter le langage chelou et zarbi des tessis. Et je traduis. Les parents ont du mal à comprendre le langage un peu bizarre des cités. C'est le code le plus simple, donc le plus ancien. Je suppose que c'est le premier code qui a été employé. On en trouve trace quand même au XVIe siècle. On commence à appeler les Bourbons des Bonbours, si c'est pas du verlan caisse. Soi-disant, je suis trop vieux pour présenter le journal, donc je montre que je suis encore très jeune, c'est qu'ils se sont pétrants. Pétrants ? Oui, ça veut dire tromper, on inverse les syllabes. Ah bah oui, c'est du verlan, je connais. Inverser les syllabes comme ça, en y trouvant un plaisir. Un plaisir et une connivence, parce que dans le langage, il y a une question de connivence, dans les langages de parallèle. Un, se comprendre, mais surtout être de connivence. Alors, à partir du moment où on trouve ça, où on établit ça avec d'autres personnes, alors c'est gagné. Et donc, le verlan, c'est le plus ancien. Alors, il est comme tous les codes, il a ses moments de gloire, et puis ses moments d'ombre. Le verlan, bon, il se parle un petit peu à cette époque-là, il revient certainement à d'autres époques, il revient très fort dans les années 50, dans le milieu des années 50. Bizarrement, on l'entend pas tellement au 19e siècle, où d'autres codes tiennent le haut du pavé. Et le haut du pavé, c'est le mot qu'il faut employer, parce que c'est souvent le mi-temps, le trottoir et tout ça. On ne l'entend pas tellement au 19e, et il revient donc vers les années 50. Et puis, dans les années 60, il fléchit, d'autres codes reviennent, comme le javanais. Et il reparaît en 75 avec la chanson de Renaud. Moi, chéri, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Les jeunes, surtout l'emploi, un petit peu à l'habituel, hein, chez WAM, chez WAT, oui, mais il ne faut même pas attention, c'est à peine pour coder, c'est à peine pour masquer, c'est une habitude. Quant aux générations qui les ont précédées, ils ne sont plus tellement émerveillés, interloqués, intéressés, ils s'en foutent. Donc c'est une espèce de langage de marge, qui n'est plus tout à fait de la marge, dans la mesure où il s'officialise. Et quand un langage de marge s'officialise, par définition, c'est plus de la marge. Le type, le zig, le zèbre. Le gimmick de l'émission, c'est ne lâchez rien. Comment on pourrait dire ne lâchez rien en verlan ou en argot? Gafouze ou gafouille. C'est-à-dire? Ben fais gaffe. Alors quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Oui. Savais-tu qu'à la toute fin du XVIe siècle déjà, on surnommait la famille royale les Bombours, du verlan post-médiéval. C'est génial, non? En réalité, les jeunes banlieusards se réapproprient des traditions séculaires. Alors, parfois c'est charmant, et parfois c'est... Comme chaque année à la même époque, c'est l'effervescence dans l'atelier du Père Noël. Eh bien, mes amis, je vais pouvoir aller atteler mes rennes. Oh, ça par exemple. Oh, laisse tomber, on s'en occupe, là. Mais que faites-vous ici? On prend la relève. À partir de maintenant, c'est mon fils Jean qui va faire la tournée. Comment ça, il va faire la tournée? Mais il n'a pas le droit. Pourquoi pas? Je suis tout à fait légitime. C'est pas parce que je m'appelle Jean Sarkozy que j'ai moins de droits que les autres. T'as des diplômes, toi, pour faire Père Noël? Non, mais... Moi, je suis en deuxième année de licence de droit. J'ai toutes les capacités pour faire le job. Oui, il est encore plus doué que son père au même âge. J'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Patrick Balkany, j'ai ici un bulletin de Jean CM2 qui prouve qu'il a eu 13 en dictée. Bravo, fichton. Mais enfin, ça fait bientôt 100 ans que je fais ça, vous ne pouvez pas me virer comme ça. Ben, je vois bien où tu veux en venir, toi. À travers mon fils, c'est moi que tu vises. Mais je me laisserai pas faire. Tu devrais peut-être mettre une fausse barbe, non? Oh non, ça fait gauchiste. Bon, comme tu veux. Allez, bonne tournée, hein. Merci, papa. Allez, yeah. Ram, bam, bam, bam. C'est évidemment la délicieuse Nana Mouskouri qui nous offrait en 1965 sa propre version de L'Enfant au tambour après Günter Grass et avant Volker Schlondorf. Il était une fois un tambour qui s'appelait Oscar. Il avait deux pères présumés, l'un polonais, l'autre allemand. Keine Zeit. Dienst ist Dienst. Il était une fois un peuple crédule qui croyait au Père Noël. Mais en réalité, le Père Noël était le préposé au gaz. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, je ne voudrais pas tirer trop fort la sirène d'alarme, mais la situation environnementale est inquiétante. Le Corriere della Sera nous apprend que les Italiens se sont pris 7 cadavres de baleines dans les Pouilles. Cette région là du sud de l'Italie, vous savez, le talon de la botte. Non mais c'est une première depuis près d'un siècle et la cause serait la pollution chimique et électromagnétique. 7 baleines dans les Pouilles, c'est beaucoup quand même. Alors, c'est impossible. Vous avez vu ça hier, la conférence de Copenhague sur le réchauffement climatique est tombée à l'eau. Ah maintenant c'est clair, hein, Copenhague ne va pas sauver la planète. Elles sont quand même assez pathétiques les conclusions de cette conférence. Et c'est pas faute de nous avoir bassiné ces dernières semaines, ces derniers mois, sur l'importance de cet événement, avec tout plein de grands dirigeants qui n'ont cessé de nous dire que ce sommet devait réussir coûte que coûte, parce que sinon, c'est foiré. Voilà. Alors, pourquoi cet échec? Eh bien, j'ai cherché quelques petites explications. Alors, je vous passe les arrestations massives que la presse nous a rapportées. C'était hallucinant d'ailleurs, hein. On parlait d'arrestations préventives, c'est bizarre ça comme notion, d'interpellations par milliers, enfin... Dingo tout ça. Le Nouvel Obs nous raconte que la police danoise a confisqué l'huile de friture que l'association Roule ma frite avait recyclée en carburant. Oui, ils avaient peur que ce soit des bombes, des grosses bombes grasses. Voilà, bon, il y avait quoi d'autre? Ah oui, lundi, Libération nous apprenait que sur le globe géant installé au cœur de la conférence, il manquait 42 états insulaires, et pas des moindres, hein, Fidji, Maldives, Samoa, l'île de Grenade... Et Philippe, c'est merveilleux parce que justement, ces îles sont tous ces pays qui risquent de disparaître à cause de la montée des eaux. Voilà, l'ONU avait anticipé, c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, un autre tracas, oui, toujours dans Libération, de vendredi cette fois-ci. C'est une histoire absolument incroyable. Dimanche dernier, un journaliste de l'AFP a croisé Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, à l'aéroport de Copenhague au moment de prendre les bagages. Ils étaient là, ils attendaient leur tour et tout. Monsieur Ki-moon lui déclare être prudemment optimiste. Et à 14h09, paf, dépêche urgente de l'AFP qui annonce ce scoop. Puis à plusieurs reprises toute la journée comme ça. Et le jour même, à 18h36, nouvelle dépêche qui annule toutes les précédentes, Ban Ki-moon déclare qu'il n'a pas quitté New York, qu'il n'a jamais été à Copenhague. Alors que s'est-il passé? Eh bien, c'est de bonne foi, parce qu'ils sont super sérieux à l'AFP, de très bonne foi que le journaliste de l'AFP a cru reconnaître Ban Ki-moon à l'aéroport. Alors, il a été le voir, il a dit « Bonjour, monsieur Ki-moon ». Alors, il a dit « Bonjour ». Et il a dit « Monsieur le secrétaire général », l'autre, il n'a rien dit. Ben oui. Ben non. Alors, un farceur. Non. Il m'a dit qu'il devait être sans doute secrétaire général. D'un syndicat. On ne sait pas de quoi, mais il était secrétaire général. Voilà, comme quoi, il faut faire attention de ne pas confondre les gens. Le quotidien Le Monde du 20 décembre dernier nous apprend qu'Éric Besson vient de porter plainte contre le député socialiste Jean-Christophe Cambadéliste, qui l'avait confondu avec Pierre Laval, un ancien de la SFIO devenu virulent collaborateur vichiste. Ah, effectivement, il y a de quoi se plaindre, hein. Et bon, voilà, faut pas confondre les gens. Et d'ailleurs, Philippe, en préparant cette revue de presse, je suis tombé sur un article percutant de Sylvie Brunel, qui est l'ex d'Éric Besson. Je me permets de le rappeler parce que Sylvie Brunel a raconté tout ça dans un bouquin paru il y a quelques semaines, Le manuel de guérilla à l'usage des femmes. Et ce mois-ci, le magazine L'Histoire sort un numéro spécial consacré aux pauvres. C'est le numéro de janvier, mais qui est déjà sorti, dans lequel Sylvie Brunel nous offre un article qui fait réfléchir. Alors, elle ne dénigre pas les problèmes climatiques, mais elle nous apporte quelques petites réflexions comme ça. Madame est géographe, professeure à la Sorbonne, spécialiste du développement, et elle se demande comment le Sud peut s'en sortir. Alors son article commence par cette réflexion. « Au nom du développement durable, nous sommes sans cesse exhortés à laisser une planète vivable à nos enfants, à tout faire pour que les changements climatiques n'entraînent pas demain des hordes menaçantes de réfugiés. » Bon, déjà, au passage, bon entendeur, ça devait être cool à la maison, le soir, les conversations. Enfin, alors, Sylvie Brunel précise que tout ça, c'est oublier que les malheurs du temps ne se produiront pas demain. Ils existent déjà. Hey. Eh ouais, l'article souligne notre hypocrisie face à l'ensemble des pays pauvres à qui on demande aujourd'hui de renoncer au développement industriel. Bah ouais, parce que bon, nous, on l'a fait, on a tout abîmé avec, mais bon, vous, c'est pas la peine. Voilà, elle explique comment, peu à peu, se met en place l'idée que le paysan africain dans son champ, il est bien là. Voilà, lui, il n'a pas besoin de développement. Nous, on mange les bananes, les papayes, on est très... mais lui, pas besoin. Non, non, il est bien. Il était tellement mieux avant. Voilà, c'est le mythe du bon sauvage version moderne. En tout cas, voilà, on est assez loin de toutes les grandes préoccupations du moment. Et Philippe, je pense que la planète n'est pas prête à être sauvée. La conférence de Copenhague est peut-être une énième sirène d'alarme, mais c'est une petite sirène qui chante faux. Merci, Monsieur Maudit, pour votre formidable revue de presse. La prochaine aura lieu le dimanche 10 janvier, puisqu'entre-temps, nous avons programmé des best-of thématiques pour les fêtes de fin d'année.